بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc on est toujours dans le chapitre باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. Donc fait partie du shirk, parmi les sortes du shirk, il y a le fait de d'accrocher autour de son cou soit une amulette, talisman ou ce genre de choses, ou de mettre à son bras un anneau ou d'autres choses qui ressemblent à ceci. Comme on l'a dit, c'est pas trop la forme de ce qu'on accroche qui est important, c'est la croyance de la personne qui l'utilise pour soit guérir d'un mal ou repousser un mal qui nous a touché, ou pour l'empêcher de nous toucher. Donc on avait dit que déjà, on se rappelle qu'à la fin du chapitre sur le sens de l'explication du tawhid, le shir dit « وَشَرَحُوا هَذِي التَّرْجَمَ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْأَبْوَابِ » Donc l'explication de ce chapitre-là, donc de « La ilaha illallah », c'est tous les chapitres qui suivent ce chapitre-là expliquent le sens de cette shahada. Soit en citant des formes de shirk qui contredisent sa base, soit en citant des sortes de shirk asrar qui vont tronquer, diminuer cette shahada, soit des sababs et des chemins qui mènent au shirk, comme tout ce qui est lié à la masala des tombes. Comme on verra, le shir il a consacré quelques chapitres donc à tout ce qui est l'adoration des tombes ou tout ce qui est l'adoration auprès des tombes, etc. Donc tous ces chapitres-là, ils expliquent le sens de la ilaha illallah. Ici, le shir il a commencé dans ce premier chapitre, après donc le chapitre du tawhid, il a cité une sorte de shirk qui est à la base du shirk asrar, qui était en fait, comme on l'a vu la dernière fois, mais on peut reprendre, Inch'Allah, rapidement, parce que je crois que Mohamed, il n'était pas là. Donc, on avait dit que c'est une sorte de shirk asrar, et c'est une sorte de shirk asrar dans la raboubiya d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pas dans l'ulouhiya. C'est-à-dire que c'est la croyance, c'est un shirk qui est lié à la croyance, c'est pas un shirk qui est lié aux actes. C'est la croyance dans une chose ou prendre une chose comme sabab et croire qu'il est un sabab par lequel Allah Jalla wa Ala soit nous protège d'un mal ou en repousse un. Et c'est prendre donc une chose comme sabab, une chose qui n'est ni légiférée et qui n'a pas été expérimentée comme étant un sabab. On avait dit que c'est les deux voies pour établir un sabab. Mais on va reprendre on avait lu le premier paragraphe. Donc le shir Ibn Qasim rahimahullah ta'ala, il dit min tab'idiyya wa lubsu bid-dam al-lam yani min ash-shirk al-asghar wa peut rajouter fi ar-rububiyya al-munafi li kamal at-tawhid lubsu al-halqa wa hiya kullu shay istadara min sufrin wa ghayrihi wal-khayt wa nahwuhuma kal-wad'a wat-tamima wal-mismar wal-khazara wa nahwu dhalik li raf' al-bala يعني إزالته بعد نزوله أو دفعه أي منعه قبل نزوله ويجمع ذلك واحد وهو الطلب من غير الله تعالى ما ليقدر عليه إلا الله واتخاذ ذلك أشياء ونحوها من الأعمال الجاهلية وكانوا يعلقونها على أولادهم ودوابهم وذلك ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كماله لأن الشافية الكافية من كل شيء هو الله تعالى وطلب الشفاء والبركة بالحلق والخيوط وغيرها هدم لجانب التوحيد ولبسها على قسمين اعتقد أنه سبب فالشرك أصغر أو يدفع أو ينفع فالشرك أكبر يعني أو يدفع أو ينفع فالشرك أكبر لأنه اعتقد أن هنا متصرفا بالنفع والضر غير الله والمصنف قدس الله روحه ابتدأ في التفسير التوحيد والشهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد، وبالعكس وقدم بالأصغر الاعتقادي ترقيا من الأدنى إلى الأعلى. Donc c'est ce qu'on avait lu ça la dernière fois. Donc il dit min dans le titre min al-shirk. Il est tabaidiya. Min tabaidiya, c'est-à-dire que c'est pour montrer la sorte ici. Parmi les sortes du shirk, c'est une sorte de shirk. C'est pas tout le shirk. Il y a le fait de revêtir l'obs, on dit bidam al-lams l'obs. L'abs, c'est le ghalt. Ou le khalt plutôt. L'abs, c'est le khalt. L'abs. L'obs, c'est le fait d'accrocher, de revêtir. Ya'ani min al-shirk al-asghar. Donc là, ici, il dit tout de suite que ça fait partie du shirk asghar, à la base. On sait que ça peut devenir du shirk akbar, selon la croyance de celui qui le porte, mais à la base, c'est du shirk asghar. Surtout d'autant plus si on prend en considération la croyance des mushrikines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et globalement de tous les mushrikines des peuples auxquels les messagers ont été envoyés. Contrairement à aujourd'hui. Et donc, qui contredit le tawhid obligatoire, complet. On peut dire aussi l'iman al-wajib. Donc, le shirk al-asghar, on sait que ça ne contredit pas, que ça n'annule pas la base de la foi. Mais ça va annuler le tawhid obligatoire, si bien que celui qui le fait, il commet un péché. Et on avait vu que la vie le plus juste, c'est qu'il rentre tahta al-mashi'a. C'est-à-dire, celui qui commet du shirk al-asghar et qui meurt sans s'en être repenti, ça rentre sous la volonté d'Allah, s'il veut lui pardonner, s'il veut le châtier. Comme les autres péchés, même si les salafs, ils considéraient le shirk asghar plus grave que les autres péchés. Il dit l'obs al-halqa, wahia, il dit al-halqa, c'est quoi al-halqa? C'est toute chose qui a une forme ronde, que ce soit de cuivre ou autre, donc qui mettait en général autour de quoi? Du bras. Du poignet, comme on va le voir dans le hadith de Imran ibn Hussein radiyallahu an. Wal-khayt unahwihima al-khayt, ça c'est plutôt l'amulette, le pendentif ou le talisman. Il dit que al-wad'a wal-tamima wal-mismar wal-khazara, donc ils attachaient, ils faisaient des talismans avec plusieurs choses, soit des coquillages, soit des choses qui sortent de la mer, soit un clou ou d'autres choses. Aujourd'hui, on a quoi? On a la main de Fatma, on a l'œil, on a... Bref, le mohim, c'est pas, comme ils veulent le dire, c'est pas ce qui importe, c'est vraiment la croyance qui est attachée à cette chose-là, la croyance de celui qui le porte, pas la forme. Donc, soit pour être soulagé d'un mal qui a déjà touché la personne, soit pour empêcher ce mal de nous toucher, pour se protéger. Voilà les deux choses. Et ici, il y a une petite ambiguïté. Il dit وَيَجْمَعُ ذَلِكَ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الطَّلَبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ مَا لِيَقْدِرْ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Là, il a donné la définition de quoi? Du shirk akbar. Il a donné le sens du shirk akbar, alors que à la base il dit que c'est du shirk asghar. Le fait de demander à un autre qu'Allah ce que seul Allah peut faire, ça c'est du shirk akbar, clairement. Et en plus c'est du shirk akbar dans la demande. Or ici on a dit que ce qui nous concerne ici c'est le shirk asghar dans l'aqida. Il dit le fait de prendre, mais après on va voir qu'il va éclaircir la chose, il y a une petite ambiguïté là, mais on va comprendre après ce que le shir révise. Il dit le fait de prendre ces choses-là et autres, ça fait partie des œuvres de l'Jahiliya, ce que les mushrikine faisaient avant l'avènement de l'islam et avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a annulé et interdit tout ça. Et ce qu'ils faisaient, et comme ils font encore aujourd'hui, ils accrochaient sur leurs enfants ou sur leurs bêtes ces choses-là, donc des colliers, des talismans, etc., pour les protéger. Et il dit, et ceci, ça contredit le tawhid dans sa base, c'est-à-dire, as le tawhid. Ça contredit le tawhid de manière totale. Donc encore ici une fois, qu'est-ce qui contredit le shirk, le tawhid d'une manière totale? C'est bien le shirk al-akbar. Alors qu'encore une fois, on a dit que la base c'est al-asghar. Mais après, il dit quoi? Ou alors ça contredit le tawhid obligatoire. Si bien que celui qui le commet, commet un péché. Il dit parce que celui qui guérit et celui qui suffit contre toute chose ou de toute chose, c'est Allah Jalla wa Ala. Et le fait de demander un remède ou une bénédiction par ces choses-là qu'il a citées, par les amulettes, les talismans, les bracelets, etc., ça contredit le tawhid. Ça contredit le tawhid, mais après là, c'est là qu'il éclaire un peu plus. Parce que là, c'est un peu ambigu parce qu'il nous, au départ, il part sur le fait que c'est du shirk asrar et il nous a donné une définition du shirk al-akbar. Il dit que ça peut contredire le tawhid bil kulliya, c'est-à-dire asl al-tawhid. C'est-à-dire que la personne, elle devient murtad. S'il était musulman avant. Là, il dit wallubsuha ala qismay. Donc le fait de d'utiliser ces choses-là, de porter ces choses-là, ça peut vouloir signifier deux choses. Il dit i'tiqad annahu sabab. Et ça, c'est ce qui nous intéresse dans ce chapitre-là. Le fait de croire que cette chose-là, c'est un sabab, c'est une cause par laquelle Allah Jalla wa Ala va repousser un mal ou va nous protéger d'un mal. Donc c'est bien Allah el fa'il, c'est Allah qui fait, mais par ce sabab-là. Ce sabab-là qui n'est pas légiféré. Et s'il n'est pas légiféré, il est interdit. Or, fait partie du tawhid al-wajib, ou de l'iman al-wajib, le fait de d'utiliser ou de s'écarter des sabab qui sont interdits et d'utiliser des sabab qui sont permis. Et on avait dit que pour connaître les asbab, les causes qui sont permis d'utiliser pour qu'Allah Jalla wa Ala repousse ce mal ou nous protège, sont de deux sortes. On avait dit soit c'est un sabab shar'i, comme Allah Jalla wa Ala, il a décrit le miel comme étant un shifa, shifa, ou le habba sauda, il l'a décrit comme étant un shifa, ou d'autres choses, comme le Coran lui-même, Allah Jalla wa Ala, il a parlé, il a décrit le Coran comme étant un shifa. Il m'a fait soudour dans un verset, mais dans d'autres versets, il dit shifa, comme ça, mutlaqa. Donc, c'est à partir de là, on verra que c'est à partir de là que les ulémas, il y en a certains parmi les ulémas, parmi les salafs, ils ont vu qu'ils n'ont pas vu l'interdiction de faire un talisman avec des versets du Coran ou avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés justement sur le sens général du fait que quoi? Que le Coran fit shifa. Dans le Coran, il y a une guérison. Comment? C'est le Coran et la Sunna. Le fait que le Coran ça soit shifa, ça vient de manière comme ça, mutlaq. C'est pas Allah Jalla wa Ala, il n'a pas décrit de quelle manière. Et c'est là sur ce genre de choses et de preuves qu'il se base, par exemple, pour réciter le Coran sur de l'eau puis la boire. Ou pour d'autres choses. Comme il y en a certains qui ont utilisé ça pour dire que le talisman qui est fait avec des versets de Coran, ça contredit pas le Coran et ça rentre pas dans les nusus, les textes qui interdisent justement at-tamim ou at-tama'im, les talismans. Parce qu'ils se basent là-dessus. On verra ça dans le prochain chapitre, inshallah. Mais ils se sont basés en gros là-dessus. Donc soit le sabab il est shar'i, soit le sabab il est, comme ils disent, tajribi ou qadari. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on va connaître par l'expérience et ça, c'est l'objet à peu près de tous les médicaments qu'on connaît aujourd'hui, qu'on trouve en pharmacie, etc. C'est quoi? C'est des laboratoires qui conçoivent des molécules, qui font des tests, qui expérimentent et qui trouvent que telle ou telle molécule, c'est un remède, bidnillah, bien sûr, dans la croyance du musulman, contre tel ou tel mal. Par exemple, le paracétamol, c'est une molécule qui va soulager, avec la volonté d'Allah, les maux de tête, la fièvre, etc. Ils l'ont connu comment? En expérimentant, en cherchant, en observant. Celui qui prend un sabab qui n'est ni connu dans la charia, ni thabit dans la charia, ni dans l'expérimentation, celui-là, il a pris un sabab qui est interdit. Et ça rentre dans shirk el-asrar. Parce qu'il prétend, il y a deux choses. Les ulama, ils disent, il prétend qu'il y a, dans cette chose-là, il y a un khayr. Il a vu ça où, subhanallah? Ils disent que ça représente comme une sorte de mensonge sur la charia. Celui qui dit, fil shifa, dans le miel, il y a un remède, celui-là, sadaq. Il a été véridique. Il a rendu véridique la charia. Mais l'autre, il vient et dit que dans cette chose-là, il y a un shifa. C'est quoi ton délire? Rien. Ni la charia, ni l'expérimentation. Donc celui-là, il prend un sabab qui est pas permis. Et ensuite, ils disent aussi que c'est. Les ulama, ils évoquent aussi le fait que c'est. Fi yani aib, ou c'est un manquement ou un défaut dans la croyance dans le qadar, dans la prédestination. Parce qu'il prétend qu'il va changer le qadar en utilisant un sabab à la base qui n'est pas permis, dans lequel Allah Jalla wa Ala, il n'a rien mis. Comment celui-là, il veut obtenir ce qu'on appelle le musabbab, la conséquence ou le résultat, en utilisant un sabab, une cause qui n'est pas légiférée. Donc ça rentre aussi, ça touche aussi à l'iman bil qadar. Voilà, à la kulli. On a vu dans le chapitre de tahqiq al-tawhid, l'accomplissement du tawhid complet, que fait partie du tawhid complet, c'est-à-dire le tawhid le wajib, ou même le mustahab, tawhid al-mustahab, puisque cela. Ceux qui sont cités dans Tahqiq al-Tawhid, c'est quoi justement? C'est des gens, on avait vu, qui délaissent les esbab, les causes qui sont quoi? Qui sont makrouha. Qui ne sont pas interdites, mais qui sont simplement blâmables. Makrouha. Comme on avait vu quoi? On avait cité quoi? On avait cité le fait de demander à quelqu'un de faire une ruqya sur nous. On a vu que le fait de faire une ruqya ou le fait de faire une ruqya sur soi-même, ça c'est permis. Même mustahab. Mais le fait de demander à quelqu'un d'autre de faire une ruqya sur nous, ça c'est quelque chose qui est makruh. C'est pas interdit. Et l'insan, des fois, dans certains, quand il est dans le besoin, il peut avoir à le demander. Mais à la base, c'est makruh. On avait vu aussi l'iktiwa, ou le kay, la cautérisation. Le professeur Sallam nous a montré que c'est quelque chose qui est aussi makruh. Donc ça, c'était concernant le tawhid complet. Yani, le tawhid al-mustahab, et que ceux qui rentrent au paradis sans jugement et sans châtiment, c'est ceux qui délaissent ces sebeb-là, alors qu'ils en ont besoin. Là, ici, on est, ça concerne le tawhid al-wajib. Pour réaliser le tawhid al-wajib obligatoire, il faut délaisser les sebeb qui sont interdits. Là, c'est des sebeb qui sont interdits. Parce que, on n'a pas de dalil ni dans la charia, ni dans l'expérimentation. Donc c'est par ces deux choses-là, il faut toujours se poser la question, parce que ça, c'est des choses qu'on vit tous les jours. Quand on prend quelque chose comme sabab, est-ce que c'est quelque chose qui est légiféré, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été expérimenté, et on sait par l'expérience que à la base, c'est un sabab. Bien qu'Allah Jalla wa Ala, il est toujours capable, évidemment, d'annuler ce sabab-là, et de ne pas créer la conséquence qui est d'habitude provoquée par ce sabab-là. Non. Ensuite, il dit que c'est du shirk asghar, le fait de prendre comme sabab. Il dit aw yadfa aw yanfa fa shirkun akbar, yani bi dhati bi nafsihi li'annahu i'taqada anna huna mutasarrifan bin naf' wa dur ghayr Allah. Ou alors il pense vraiment que cette chose-là, elle profite et elle nuit par elle-même. Pas par la création d'Allah. Ce n'est pas Allah qui crée le mal ou le bien, mais c'est cette chose-là en elle-même. Ça, évidemment, c'est dû une mécréance dans la seigneurie d'Allah Jalla, dans la croyance, une mécréance majeure. Shirk Akbar. Parce que c'est le fait de croire que quelque part, il y a quelqu'un qui nuit et qui profite en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est clair. Mais le sujet du chapitre, c'est, encore une fois, c'est comme on va le voir dans les hadiths qui citent, c'est le shirk al-asghar, et c'est ce qui était répandu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des autres communautés. Il n'y a personne qui croyait que le sabab, il créait de par lui-même le bien ou le mal. Et c'est pour ça, le fait que ça soit très, aussi le fait que ça soit très répandu à l'époque du shirk Muhammad, rahmatullah alayhi, il y en a, ils disent que c'est pour cette raison qu'il a commencé les chapitres, on va dire entre guillemets, détaillés après l'explication du tawhid, qu'il a commencé par ce chapitre-là. Parce que c'est quelque chose qui était très répandu à son époque à lui, chez les gens. C'est tout ce qui est talisman, l'œil, la main, le fait de prendre ceci comme sebeb, de croire ceci, de croire cela, c'est quelque chose qui était très répandu. Et donc il a commencé à citer ce chapitre-là, qui constitue en réalité une explication de la ilaha illallah en citant quelque chose qui l'oppose. Parmi le shirk al-akbar ou l'asghar, akbar, s'il croit que cette chose-là, de par elle-même, elle soigne, ou elle apporte un bien, ou elle repousse un mal, ou asghar, si elle pense que c'est un sabab. Donc il a commencé, le shirk, il a voulu commencer par ce chapitre-là, donc par citer un shirk asghar dans la croyance, chose qui contredit la ilaha illallah, pas à sa base, mais dans ce qui est obligatoire. Voilà, il cite un autre sabab à cause duquel le shir il aurait pu commencer par ce chapitre-là, le fait d'aller du moins pire au plus grave, du moins grave au plus grave, en commençant par un shirk asghar vers un shirk akbar. Fi nazar, Allahu alam, parce que la logique, ça voudrait plutôt le fait de citer la chose la plus dangereuse en premier. Allahu alam. Donc ensuite, on arrive au premier verset que le shir il cite dans ce chapitre-là. Donc il dit: Wa qawlullahi ta'ala, Qul afraytum ma tad'ouna min dounillah, in aradani Allahu bidurrin, hal hunna kashifatu durri. Donc dit: Est-ce que vous voyez ce que vous invoquez en dehors d'Allah, si Allah me veut un mal? Qui ou est-ce que ces choses-là, le sens, est-ce que ces choses-là que vous invoquez, que vous adorez en dehors d'Allah, retiendront ou me protégeront de ce mal? Ou plutôt, kashifa, halahunna kashifat durri. Est-ce que c'est fausse divinité, ceux que vous adorez, vous invoquez en dehors d'Allah Jalla wa'ala, pourront dissiper ou sont capables de dissiper ce mal. Le sens à peu près du verset. Je ne vais pas regarder la traduction, mais c'est le sens du verset. Donc ici, on va voir que c'est pas facile de comprendre pourquoi le shir il cite ce verset ici. Parce que, premièrement, le verset, il n'y a aucun doute qu'il a été révélé dans le shirk el-akbar, concernant le shirk el-akbar. Mais ça, ce n'est pas un problème dans la mesure où on sait que les salafs, ils utilisaient des ayats qui ont été révélés dans le shirk el-akbar, ils les utilisaient dans le shirk el-akbar, parce qu'on sait, dans l'ashar, pardon, parce qu'on sait que dans le petit shirk, on a fait le ma'ana tamdid. On a le ma'ana de tamdid, le fait de mettre un égal à Allah dans le petit shirk, même si ce n'est pas un tamdid. C'est pas le fait de mettre un égal à Allah de manière complète, comme le shirk al-akbar, mais il y a de ce sens-là là-dedans. Le problème, il est plutôt que il n'y a aucun doute que ce shirk, il concerne quel genre de shirk? Shirk dans l'uluhiyya. Man yad'ou. Ma tad'ouna min dounillah. Ce que vous invoquez, ce que vous adorez, ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Or, nous, on est dans un chapitre où on a dit que c'est un shirk asghar dans l'i'tiqad. Dans la Rububiya. Donc il faut comprendre pourquoi le Cheikh il a cité ce verset-là ici. Donc on va lire l'explication déjà de Cheikh Ibn Qasim rahimahullah. Il dit: Amar Allahu Nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an yaqula li mushrikin qul araytum. أي أخبروني عن الذين تدعون من دون الله وتسألونهم من الأنداد والآلهة إن أرادني الله بضر مرض أو فقر أو بلاء أو شدة هل هن كاشفة ضري أي أنتم تعلمون أنهم يقدرون على ذلك أصلا وتعترفون بذلك أو أرادني برحمة صحة وعافية وخير هل هن ممسكات رحمتي؟ أي أنتم تعلمون أنهم يستطيعون شيئا من الأمر وتعترفون أنهم يقدرون على شيء من ذلك، فإذا علمتم أنهم لا يقدرون على ذلك فلما تعلقون عليهم من دون الله؟ فلما تعلقون عليهم من دون الله؟ قل يا محمد حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي الله كافي من توكل عليه، وتوكل التفويض والاعتماد. فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف الضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده المفوض إليه جميع أمورهم لزوما لا محيد لهم عنه. وهذا في القرآن كثير، يقيم تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك مما يعلمون به أن ذلك لله وحده، ويقرون به على ما يجحدونه من عبادته وحده هذا، وهم إنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون الدعاء المضطر، كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال مقاتل سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم يعتقدون ذلك فيها، وإذا كان ذلك كذلك بطلت عبادتهم الآلهة مع الله، وإذا بطلت فلبس الحلقة والخيط ونحوهما كذلك نعم. والمصنف استدل بالآية النازلة في الأكبر على الأصغر، كما استدل بها ابن عباس وحذيفة وغيرهما، وهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله تعالى في جلب النفع أو دفع ضر، وأن ذلك ليكون إلا بالله وحده، وأن جميع أنواع العبادة ليصلح منها شيء لغير الله كما دل عليه الكتاب والسنة واجمع الأمة، وكذلك ليصلح شيء من أنواع التعلقات بغير الله. طيب دونك le cheikh Ibn Qasim rahimahullah dit qu'Allah dans ce verset là, donc est-ce que vous avez vu ce que vous invoquez, ce que vous adorez en dehors d'Allah? Si Allah me veut un mal, veut me toucher d'un mal, est-ce qu'elles peuvent le dissiper? Allah Jalla wa Ala, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser aux mushrikin par ces mots là, qul ara'aytum, c'est-à-dire informez-moi au sujet de ceux que vous adorez en dehors d'Allah et à ceux dont vous demandez donc vos besoins parmi les idoles, parmi les égaux que vous avez pris en dehors d'Allah Jalla wa Ala, parmi les idoles. Si Allah Jalla wa Ala veut me toucher d'un mal, une maladie, de la pauvreté, une épreuve ou une difficulté, est-ce qu'elles sont capables de dissiper ce mal? C'est-à-dire que Vous savez bien que vos divinités ne sont pas capables de réaliser ceci, et vous l'avouez. Et si Allah Jalla wa Ala veut me toucher d'une miséricorde, une bonne santé, ou une guérison, ou du bien, est-ce qu'elles sont capables de retenir ou de repousser cette miséricorde? Vous savez bien, c'est-à-dire le sens, vous savez bien qu'elles ne sont pas capables de faire ceci, et vous le reconnaissez. Alors, si vous avez su ceci, qu'elles sont capables ni de repousser un mal, ni de retenir un bien qu'Allah Jalla wa Ala a décidé de donner à son serviteur, pourquoi est-ce que vous vous y accrochez? Pourquoi vous vous accrochez à ces divinités en les adorant? Ici, le ta'alluq bil ibada dans le verset. Dans le verset, il y a le fait que la personne, elle s'attache à ces divinités-là en leur donnant l'adoration. Et nous, ce qui nous intéresse dans notre verset, dans notre mas'ala, c'est pas, on a vu que ça rentre pas dans l'amal, dans l'adoration, mais dans la croyance. C'est un petit shirk dans la croyance. Mais le sens, c'est le même. Ce que le shirk veut montrer, en fait, ici, il fait un genre de qiyas. De la même manière qu'on ne s'accroche pas à des fausses divinités en leur donnant l'adoration, parce qu'on sait qu'elles ne profitent en rien, qu'elles ne font ni mal, et qu'elles ne procurent ni bien, de la même manière, on ne s'accroche pas à un sebeb. Qui n'est pas un sebeb? Qu'Allah Jalla wa'ala n'a pas désigné comme étant un sebeb pour ramener un bien ou pour repousser un mal. Le shirk fait un qiyas. Parce que, comme on l'a dit, dans ce verset-là, premièrement, il est dans Shirk al-Akbar, il n'y a aucun doute, et il est dans Tawhid al-Uluhiyya. Vous invoquez, vous adorez. Il est dans l'Uluhiyya. Or, le shirk dont on parle, nous, comme il l'a dit le shirk avant, il est dans la croyance. Mais le shérif est un qiyas. De la même manière que le musulman, il n'a pas à s'accrocher à ces fausses divinités en leur donnant quelque chose de l'adoration, parce qu'elles ne profitent en rien. De la même manière, il n'a pas à s'accrocher à ces sebeb-là et à croire en ces sebeb-là qui ne sont ni légiférés ni expérimentés, comme on a vu, à s'y accrocher en croyant que Allah Jalla wa'ala, par ces sebeb-là, va leur procurer un bien ou repousser un mal. C'est un qiyas. Ça que wajh, qu'on appelle wajh al-istidlal, dans ce verset-là, il n'est pas tout à fait clair. C'est pour ça qu'il y en a certains qui n'ont pas le niveau du shir dans l'istidlal, qui viennent, qui disent qu'est-ce qu'il fait là ce verset dans ce chapitre. Mais c'est ça, ce qu'on appelle wajh al-istidlal, c'est ça. Le shir, il a fait un qiyas. Il dit, ô Mohammed, Allah me suffit. Sur lui repose. C'est sur lui que repose, ou c'est en lui que place leur confiance, les mutawakkiloun, ceux qui placent leur confiance, placent leur confiance en lui. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa'ala, il suffit à celui qui place sa confiance en lui, qui se repose sur lui. Et le tawakkul, c'est le fait de confier son sort et de s'appuyer sur Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir un bien ou pour repousser un mal. Et donc, si leur divinité qu'ils adoraient en dehors d'Allah jalla wa'ala n'avait ni le pouvoir de faire ni bien, ni de repousser aucun mal qu'Allah jalla wa'ala a voulu pour son serviteur, alors, ceci, ça implique quoi? Ça implique qu'Allah Jalla wa'ala soit le seul à mériter l'adoration. Et ceci, il dit, c'est Allah Jalla wa'ala, il a beaucoup utilisé ça dans le Coran. C'est-à-dire qu'il a interpellé les mouchriquines et il a utilisé comme preuve leur propre croyance. Leur propre croyance qu'ils avaient. C'est Allah Jalla wa'ala qui profite, qui nuit, qui crée, et que ce n'est pas leur divinité. Et que à partir du moment où ils croyaient ça, ceci s'est impliqué qu'ils adorent Allah Jalla wa'ala seul et qu'ils donnent l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul et à personne d'autre qui n'a pas ces caractéristiques, ces qualités-là. Non. En gros, c'est le sens de ce qu'il dit. Mais il faut rappeler quand même, là, il rappelle quoi? Que les mouchriquines, on sait que leur croyance, c'était pas le fait de croire que leur divinité crée, nuit ou profite par elle-même. Mais ils ont pris, on peut dire, ces divinités aussi comme sebeb. Mais quel genre de sebeb? Ils les ont pris comme intermédiaires en leur donnant des sortes d'adorations, soit pour deux raisons, soit pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime ses divinités dans la mesure où elle est représentée. On se rappelle que les statues du peuple de Nour, ou après, ça représentait toujours des personnes pieuses, des gens qui avaient été pieux et qui avaient été donc mis sous forme de statues pour se rappeler leur adoration, etc. Et donc pour adorer Allah mieux. Puis les gens les ont pris comme divinité en dehors d'Allah en pensant qu'en leur donnant quelque chose de l'adoration, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il allait les rapprocher de lui parce qu'ils ont donné quelque chose de l'adoration à quelque chose qu'Allah jalla wa ala, il aime. C'est ce qu'ils ont pris, le wasa'id, des intermédiaires. Et dans un autre verset, il dit, Allah jalla wa ala, il dit pour. Donc dans un verset, il dit pour qu'ils les rapprochent de lui, et dans l'autre verset, pour qu'ils intercèdent en leur faveur. C'est-à-dire que cette divinité-là intercède auprès d'Allah jalla wa ala en la faveur de leurs adorateurs donc pour jouir de la récompense ou de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est les deux raisons. Le shir cite cette règle-là dans son texte qu'il a appelé le Qawaid al-Arba. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que le shirk, c'est quoi? C'est le shirk dans la croyance. Le shirk dans la croyance. Et que ce n'est pas le shirk dans la ibada ne représente pas un shirk akbar qui annule l'islam. Si bien que le shirk, c'est devenu quoi? C'est le fait de croire qu'en le Qubouri, qui adore la tombe ou l'habitant de la tombe, et ça devient du shirk akbar uniquement s'il croit que ce mort-là est capable de profiter et de nuire par lui-même. S'il le prend simplement comme sabab, en lui donnant quelque chose de l'adoration, et que c'est Allah Jalla wa Ala qui va lui procurer son bien ou le protéger du mal, ça ne représente pas pour eux un shirk akbar. Et pourquoi? Ça vient de leur mauvaise compréhension de la ilaha illallah. C'est qu'ils disent le qadr ala l'ikhtira illallah. Personne n'est capable de créer, de faire le bien, le mal en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la ilaha illallah chez lui, chez eux. Donc, si tu adores un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala par une sorte de, parmi les sortes de l'adoration, donc ce qui constitue chez les musulmans un shirk akbar, eux, ils disent non. Si tu crois que c'est Allah qui te donne la chose et que tu l'as pris simplement comme intermédiaire pour te rapprocher d'Allah ou pour qu'il te serve d'intercesseur, ça, ce n'est pas du shirk akbar. Et le niza', le niqash qu'il y a eu à l'époque du shir, rahimahullah ta'ala, du shir Mohammed et de ses enfants, de ses élèves, il a été là-dessus. Il a été sur c'est quoi le shirk? Sur c'est quoi le shirk? Il a été là-dessus, le niza'. Il a été c'est quoi le tawhid et c'est quoi le shirk? Et encore aujourd'hui, on a affaire à des gens comme ça. Ils ne savent pas ce que c'est en réalité le tawhid et qu'ils ne savent pas ce que c'est le shirk et que le shirk, il est dans l'ulouhiya, dans l'ibada, dans les actes et qu'il n'est pas que dans la croyance. Ça ici, il dit qu'ils ont pris des intermédiaires et des intercesseurs auprès d'Allah et en disant, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et dans un autre verset, ils disent, Haoulaï shufa'auna 'inda Allah. Ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Il dit, non. Que leur but, encore une fois, c'était pas, ou leur croyance, c'était pas le fait de croire que ces divinités-là possèdent le pouvoir de faire du bien ou du mal. Comme Allah dit, thumma iza فإليه تجأرون. Quand un mal les touche, ils reviennent vers Allah. وقال مقاتل dit, ils ont interrogé, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a interrogés, ils se sont tus. C'est-à-dire, il les a interrogés sur qui c'est qui vous fait du bien, qui c'est qui vous amène le bien, qui c'est qui repousse le mal. Ils savent que c'est Allah, c'est pour ça qu'ils se sont tus. Parce qu'ils croyaient en ceci. Et là, c'est là qu'il cite le qiyas. Il dit, c'est si l'adoration de ces choses-là sont bâtées-là. Si le fait de donner l'adoration à ces fausses divinités est bâtées-là, pourquoi? Parce qu'elles ne procurent ni bien et qu'elles ne repoussent ni mal. De la même manière, il est bâtil de prendre comme sebeb un bracelet ou un pendentif, un talisman, et de le prendre comme sebeb pour qu'Allah Jalla wa Ala repousse un mal ou procure un bien, alors qu'ils n'ont. Qu'Allah Jalla wa Ala, il a mis aucun bien dans ces sababs-là. Ce n'est pas des sababs qui sont reconnus ou qui sont établis comme étant des sababs. Donc le shirk, clairement, il fait un qiyas. Il fait un qiyas, donc c'est pour ça que le verset, Clairement, ce n'est pas le dalil le plus clair dans ce chapitre-là. Le verset, ce n'est pas le dalil le plus clair dans ce chapitre-là. Et c'est pour ça qu'il y en a certains, parmi les gens qui ne comprennent pas, qui disent que le verset, en gros, il n'est pas à sa place dans ce chapitre-là. Mais les ulémas qui commentent, évidemment, ils disent que le qiyas du shir, il est juste. Simplement, quelqu'un qui est pas... Tout le monde ne voit pas wajh al-istidlal avec ce verset-là. Il dit aussi que le shir ici, il a utilisé un verset qui a été révélé clairement dans le shirk akbar, puisqu'il s'agit de donner l'adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la définition du shirk. Comme on l'a dit, le shirk, il a une réalité, il a un sens dans la sharia bien précis. Que Allah Jalla wa'ala, il a éclairci dans son livre, « فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » Allah Jalla wa'ala, il dit aussi, « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ » Donc tous ces versets-là qui montrent le sens du shirk, le fait de prendre un égal, de mettre un égal à Allah Jalla wa'ala en lui donnant quelque chose de l'adoration. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna quand il dit, quand il a été interrogé sur le plus grand des péchés, « Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaq » que tu donnes à Allah un associé alors que c'est lui qui t'a créé. Donc ça c'est le sens du shirk dans la sharia. Mais le shirk, il a utilisé donc des versets qui ont été révélés dans le shirk al-akbar pour le shirk al-asghar, comme l'ont fait certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va voir le hadith de Hudhayfa à la fin du chapitre. Et ici, il fait référence à Ibn Abbas dans le verset de surat al-Baqarah. Dans le Baqarah, quand Allah jalla wa ala, au début de la surat, quand il dit « فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » Ne donnez pas des égaux à Allah alors que vous savez, c'est-à-dire des égaux dans l'adoration. Ibn Abbas, il vient, il a une parole dans le tafsir de ce verset, il dit, ça c'est la parole de l'insan, laula al-kwaylib, laula al-kwaylib, la dakhala al-lis. Une phrase comme ça. S'il n'y avait pas eu le chien garde dans la maison, le voleur il serait rentré. Donc on voit que ça c'est un shirk, ce que les ulama ils appellent shirk al-alfaz. C'est-à-dire que cette personne-là, elle attribue au chien de garde dans la maison, le fait que le voleur ne soit pas rentré. Alors que la réalité c'est quoi? C'est qu'Allah Jalla wa'ala, il empêche le voleur de rentrer par le sabab du chien. Qui est un sabab permis, chien de garde, garde la maison. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est qu'Ibn Abbas, il explique ce verset-là qui a été révélé sans aucun doute dans le shirk al-akbar, il l'explique en citant quoi? Une surah, une sorte de shirk asghar. Mais ça rentre dans le verset, pourquoi? Parce que fi ma'ana tandid, il y a le sens de mettre un égal à Allah Jalla wa'ala dans cette sorte-là de shirk asghar, mais pas complètement. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on ramène la parole d'Ibn Abbas, kufrun duna kufr. La fameuse grande parole qu'utilise Al-Jahmiya aujourd'hui, Al-Murji'a, pour dire que le gouverneur qui gouverne avec une autre loi que celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que c'est une mécréance mineure, et ils utilisent la parole d'Ibn Abbas, attribué à Ibn Abbas, où il dit « kufrun duna kufr », que les ulama citent dans le tafsir du verset « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمْ أَنْزَ اللَّهِ فَوْلَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » قال Ibn Abbas « kufrun duna kufr ». Ibn Abbas, il a dit « c'est une mécréance mineure ». Est-ce que ça veut dire qu'Ibn Abbas, dans ce verset-là, il est en train de parler de ce qu'on vit, nous, là, aujourd'hui, des gouverneurs qui, à la base, c'est même pas qu'ils ont changé la charia, c'est qu'ils ont mis la charia de côté, l'ont jeté derrière leur dos, ils ont mis en place des démocraties, etc. Ils ont légiféré, ils se sont octroyés, emparés un droit qui n'appartient qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait de légiférer, d'imposer des lois à des gens qu'Allah, il n'a pas permises, et de punir celui qui désobéit. Ça, c'est une sifat parmi les sifats d'Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala hakam, lehu le hukum. Ibn Abbas il dit ça kufr duna kufr. Ou alors est-ce qu'il est en train de parler d'autre chose? C'est comme dans le verset de surat al-Baqarah. Est-ce que quelqu'un qui donne l'adoration à Allah Jalla wa'ala, c'est du shirk, c'est, C'est ce que Ibn Abbas il veut dire quand il dit c'est comme celui qui se repose, qui place sa confiance dans le chien, qui l'a mis dans la maison pour garder la maison, et qui dit s'il n'y avait pas eu le chien, le voleur il serait rentré. C'est ça le sens du verset. Non, on voit bien que les salafs, ils ont utilisé certains versets qui ont été révélés dans le shirk al-akbar, ils l'ont utilisé dans l'asrar. C'est exactement la même chose pour le verset de Sourate al-Baqarah. Donc c'est comme ça qu'on répond aux gens, kofrun dona kofr. Et on répond aussi par le fait qu'il y a, ça fait l'objet d'un, c'est notre lecture, qu'il y a un ijma', l'ijma' il a été rapporté de l'ulama, que celui qui change ne serait-ce qu'une petite loi, et qui légifère une petite loi qui va contredire la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a légiférée, et qu'il en fait une législation, même si dans tout le reste, il gouverne avec la charia, que ça constitue une mécréance majeure. Avec tout ce qui s'ensuit d'Ahkam. Mais là, ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre donc il dit que Mustadala ibn Abbas wa Hudhayfa, on va voir comment Hudhayfa, on va voir à la fin du chapitre, Inch'Allah. Et d'autres. Et donc, là, ici, c'est ce qui nous intéresse, c'est que ce verset-là et les versets semblables rendent vain le fait d'avoir que le cœur il ait un attachement à un autre qu'Allah Jalla ou Ala pour procurer un bien ou repousser un mal. Parce que ceci, ça appartient à Allah Jalla ou Ala seul. Et de la même manière que l'adoration, il nous est obligatoire de la donner qu'à Allah Jalla ou Ala parce que lui seul profite et nuit, de la même manière, il nous incombe de. Que notre cœur s'attache uniquement à Allah et qu'on utilise uniquement des sebeb qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit à légiférer, soit qu'on connaît par l'expérimentation. Et de ne pas s'accrocher à des sebeb qui ne sont pas légiférés. Et à croire, à s'accrocher ici par la croyance, donc dans le premier ta'alluq dont il parle, c'est ta'alluq bil-ibadah. Le fait de s'accrocher à quelque chose par l'adoration du cœur, ou l'adoration des membres, ou de la parole. Ici, c'est une adoration, c'est un attachement par la croyance, l'i'tiqad, le fait de croire en ce sebeb-là, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas mentionné, ou que il n'a jamais été expérimenté comme étant un sebeb. Donc ce verset-là, en réalité, il repousse, par le qiyas, il repousse toutes sortes de choses auxquelles le cœur s'accroche alors qu'elles sont batila, alors qu'elles ne méritent pas qu'on s'y accroche parce qu'elles ne profitent en rien du tout, que ça soit une fausse divinité par l'adoration ou que ce soit un faux sebeb par la croyance. Donc le cheikh ici clairement il a fait un qiyas. Non. Ensuite, il cite un deuxième texte qui est un hadith rapporté donc par Imran ibn Hussein, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufr. Faqala ma hadhi qala min al-wahina qala inzi'ha fa innaha la taziluka illa wahna fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada. Rawahu al-Imam Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Donc le sens du hadith rapproché, Imran ibn Hussein, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme qui portait un anneau de cuivre, c'est-à-dire autour du bras. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interrogé. Pourquoi, c'est dans quel but ce truc, cet objet-là, cette halqa? Il a dit, min al-wahina. On verra que le wahina, c'est, les ulama, ils disent, c'est une genre de maladie, une douleur qui s'étend dans le bras. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, enlève-moi ça, enlève ça. Cette chose-là ne te rajoutera que de la faiblesse. Et si tu meurs et que tu la portes, tu ne réussiras jamais. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed Ici, le cheikh dit la ba'sa bihi. La ba'sa bihi, c'est-à-dire que c'est un hadith qu'on peut utiliser pour l'ihtijaj, pour comme preuve. Or, il y a des ulama qui disent que ce hadith-là, il est daïf. Il y a des ulama qui disent que ce hadith-là, il est daïf, même il y en a certains qui disent daïf jiddan. C'est pour ça, et là, je vais faire une remarque. Il y a des gens qui critiquent le livre du cheikh. Et qui disent que dans son livre, il y a des hadiths qui sont daïfs, qui sont faibles. Que le cheikh, il a utilisé des hadiths qui sont faibles. Mais ça, c'est le lot de tous les ulama avant lui, depuis les salafs. Depuis les salafs, si on voit la manière dont les salafs, ils écrivaient leurs livres, on sait qu'à la base, que le cheikh, on l'a dit au début en introduction, qu'il a écrit ce livre, on va dire à la façon, à la manière dont les salafs avaient, que les salafs avaient d'écrire. C'est-à-dire, il cite un titre, derrière, il cite, en dessous, il cite quoi? Des hadiths, des nosos, que ce soit du Coran ou de la Sunna. Et depuis toujours, les ulama, ils ont cité dans leur chapitre, ils citent toujours des textes qui sont authentiques, soit du Coran, sans discussion, soit de la Sunna authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qu'on voit, et c'est ce qu'on verra dans le livre, c'est ce que le shir, il a fait. Souvent, il commence par mentionner des hadiths qui sont dans le Bukhari et Muslim. Ensuite, il descend. Et il cite d'autres ahadiths qui, des fois, effectivement, n'ont pas la même force ou même qui peuvent être faibles. Mais ces ahadiths-là, comme les ulama disent, ils ne les citent pas pour l'i'timad, mais pour l'i'tidad. C'est-à-dire, ils ne les citent pas pour, comme pilier dans le chapitre pour prouver quelque chose, pour prouver le statut, le hukm qu'ils donnent dans le chapitre, mais ils l'utilisent comme pour soutenir, pour. Comme tabi', pour ça suit les autres dalils. Même si dans le sened, dans la chaîne de transmission, il y a une faiblesse, le sens que contient le matn, il est déjà établi par les hadiths qui sont authentiques dans le chapitre. Donc j'en ai vu un là, récemment, là, il critique le livre du Shir, là, un charlot, là, et il utilise ça, mais lui répond que c'est tous les ulémas, ils ont écrit leur livre comme ça. Il commence par citer des hadiths sahih, puis hassan, puis des fois, il cite des hadiths qui sont daïfs. Et ce hadith, il y a des savants qui disent qu'il est daïf. Il y a toutes les riwayas, elles tournent autour d'un rapporteur sur lequel les ulémas, ils ont discuté. Mais on verra qu'après, en dehors du verset, on verra qu'il y a un texte qui est rapporté aussi par l'imam Ahmed, qui lui est authentique, qui a un hadith bon, fort, et qui est en plus sans équivoque. Donc là, pour l'instant, on va rester sur ce hadith, même s'il y en a certains qui disent qu'il est faible, évidemment. Ça n'empêche pas de le citer et de lire. Puisqu'il y a certains parmi les ulama, comme on va voir, qui ont dit qu'il est sahih. Mais ceux qui sont contre la da'wa du shir, évidemment, ils vont chercher dans son livre ce qu'ils peuvent, comment ils peuvent attaquer son livre. Et entre autres, ils l'attaquent comme ça. Donc, il dit An Imran ibn Hussein, ibn Ubayd, ou Abid Ubayd, ibn Khalaf al-Khuza'i, Sahabi ibn Sahabi, Aslam Am Khaybar, wa Ghaza, Iddata Ghazawat, wa Kana Sahib Raya, Khuza'i yawm al-Fath. وقال الطبراني أسلم قديما هو وأبوه وأخته وكان ببلاد قومي ثم تحول إلى البصرة إلى أن مات بها سنة 52. Donc il s'appelait Imran ibn Hussein, fils de Ubayd, fils de Khalaf al-Khuza'i, de la tribu de l'Khuza'a, et c'était un compagnon, fils de compagnon. Son père c'était un compagnon aussi. Et il est rentré en islam l'année de Khaybar. Quand le professeur Sallam, il a pris Khaybar. Si on se rappelle, c'était quelle année ça? Sixième, septième? Khaybar. Ensuite, il a participé à de nombreuses batailles. Et c'est lui qui portait le drapeau d'El Khuza'a Yom al-Fath. Donc quand le professeur Sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni une armée de 10 000 hommes pour reprendre la Mecque. Il y avait plusieurs tribus. Il y avait Khuza'a et c'est lui qui tenait l'étendard. Le drapeau de Khouza. Et Tabarani dit qu'il s'est converti donc Qadiman, sont rentrés en islam tôt. Et lui et son père et sa sœur, mashallah. Et il habitait dans là où vit son peuple. Et ensuite, il est parti à Al-Basra, en Irak. Et il est mort là-bas dans l'année 52 de l'Hégire. Il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme qui portait donc un anneau à la main, un anneau de cuivre. Il dit ici, wa fi riwayatin lil hakim, wa fi riwayatin lil hakim, dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa fi aduli halaqatun sufr, halaqatun sufr. Fal mubham fi riwayati Ahmad wa Imran rawi al hadith. والحلقة كان المشركون يجعلونها في أعضادهم من نحاس أصفر وغيره يزعمون أنها تحفظهم من أذى العين والجن ونحوهما وكذا لبس حلقة الفضة للبركة أو لمنع البواسير وخواتم لها فصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها. Dans une riwaya du hadith rapporté par Al-Hakim, le hadith il vient comme ça, je suis rentré à l'endroit où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je portais un anneau de cuivre. Donc on voit que cette riwaya-là qu'il y a dans Al-Hakim, qui a rapporté Al-Hakim, elle montre que en réalité, l'homme qui portait ce bracelet-là, c'est Imran ibn Hussein lui-même. Dans la version de l'imam Ahmed qui est dans le Madani, il dit que le Prophète il a vu un homme avec un bracelet au poignet. Là, ici, il dit que c'était lui-même dans la riwaya del Hakim. Donc, ça profite quoi? Ça nous montre que, en rassemblant les riwayas, des fois, on voit qu'il y a des noms comme ça, qui, comme il dit, qui sont mubahem. Il cite comme ça, quelqu'un, c'est un homme, ou je sais pas qui, et que dans notre riwaya, on arrive à découvrir qui c'était cet homme, de manière précise. Et le halqa, donc, c'est un bracelet que portaient les mouchrikoun à leurs bras. Donc, c'est quelque chose qui date, qui fait partie de, comme il avait dit, des amal al-jahiliya, qu'ils faisaient avant l'islam. Que ça soit de bronze ou de cuivre ou autre. Et il prétendait que ce bracelet était un sabab, c'est ce qu'il faut comprendre ici, était un sabab par lequel Allah Jalla wa Ala les protégeait du mal, du mauvais œil, des djinns, etc. De la même manière, il portait des bracelets en argent pour el baraka, pour la bénédiction, et pour repousser el bawasir, Allahu alam, ces maladies, ces boutons, Allahu alam. Et ils avaient aussi des bagues qui avaient des faces, donc au niveau sur la face de la bague, qui avaient des faces bien spéciales pour les protéger contre les djinns. Bref, el muhim, ici c'est pas tant la forme de ce qu'ils accrochaient et à ce à quoi étaient attachés leur cœur, qui est important, c'était vraiment leur croyance. Le fait de croire que c'était ces choses-là, des sabbats pour repousser ces mal-là, ou pour les protéger d'un mal. Ensuite, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il a dit, فقال ما هذه قال من الواهنة. Ici, il dit, يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها. ويحتمل أن يكون للإنكار قال الشارح وهو الظاهر واللفظ هو يحك ما هذه قال من الواهنة والواهنة عرق يأخذ بالمنكب وباليد كلها فيرقى منها وقيل المرض يأخذ بالعدد أو ريح فيه تأخذ الرجال دون النساء ربما علق عليها جنس من الخرز يقال له خرز العسمة وإنما نهى عنها لأنها إنما تتخذ لتعصم من الألم وفيه اعتبار المقاصد وتتخذ إنما تتخذ لتعصم من الألم. Donc ici, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interrogé Imran ibn Hussein. Il a dit, qu'est-ce que cette chose-là? Donc ici, ça peut avoir deux sens. Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vraiment demandé pourquoi, qu'est-ce que c'est cette chose-là, pour connaître la nature de cette chose-là. Donc, istifsal, il demande une explication pour savoir, une explication. Mais, et c'est le plus probable, c'était plutôt pour le réprimander. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait de quoi il s'agissait parce que c'est quelque chose qui était propagé chez les gens de l'Jahiliya. Il savait que le fait de porter ces choses-là, il savait bien quel en était le but. Et donc, et c'est plutôt une question pour réprimander. Comme quand tu dis à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pas pour lui demander une explication de vraiment ce qu'il est en train de faire, mais plutôt pour le réprimander, pour le gronder. Et ça, c'est visible dans une autre riwaya où le prophète sallam il aurait dit, Waye haq, mahadi, malheur à toi. C'est quoi ça? Là, c'est clair que c'est pour la réprimande. Il a dit, Minal wahina. Il dit, le wahina, c'est une douleur qui prend dans l'épaule et dans la main, dans tout le bras. Et en général, des ruqyas sont pratiqués pour soulager cette douleur-là. Bon, sinon, il y en a qui disent c'est une maladie qui attaque le bras. Ou rih, fihi ta'khudhu ar-rijal. Donc, ça touche les hommes, si dit rih, pas bien compris ce qu'il veut dire. Qui touche les hommes, mais pas les femmes. Et des fois, ils accrochaient sur le bracelet encore quelque chose, un coquillage ou une pierre, qu'ils appelaient la pierre de la protection, de l'ISMA. Des trucs. On dit. Ils accrochaient encore quelque chose sur le bracelet, qu'ils appelaient la pierre ou le gharaza, chose qui sort de la mer, le coquillage de l'ISMA, de la protection. Comme on l'a dit, el-muhim, c'est pas tant la forme de ce qu'on accroche, c'est plutôt la croyance du cœur, l'attachement du cœur à cette chose-là. Par quelle croyance? Aujourd'hui, nous on a quoi? La main de Fatma, chez vous, Baris, il y a l'œil des Turcs là, la main de Fatma, etc. Donc c'est la main de Fatma chez les Maghrébins, et l'akhiri, ou la sabha, la misbaha, là, qui s'attache à la voiture, ou je sais pas où. Non, ça, je l'ai déjà vu, ça aussi. Ça, je l'ai déjà vu. Une fois, j'étais à l'époque, là, on a la pulversa, il m'a égorgé des poulets. Subhanallah, j'étais avec Younes ce jour-là. Et Mohamed, je ne sais pas s'il n'était pas avec, subhanallah. Mohamed, tu n'étais pas avec nous? Ah non, c'était Cédric. J'étais avec Younes et Cédric. Et on est allé, tu sais, à pulversa, il y avait un truc pour égorger les poulets, là. Et on était allé et il y a un gars, un arabe, un beurre là, un arabe, un maghrébin là, il arrive, il est avec sa, je sais pas si c'est sa copine ou sa femme, ou j'en sais rien, belle avec une belle voiture, une Audi ou je sais pas quoi. Et le gars, il se garde devant, il est rentré, il a fait sortir le gars, donc qui égorge, et il a égorgé deux poulets sur la roue de la voiture. Il a fait couler le sang sur la roue de la voiture. Bon, après, on a voulu lui demander pourquoi il avait fait ça, tu vois, c'était quand même intéressant à savoir, même pour lui parler ou quoi. Mais bon, après, il n'a pas trop aimé parce que bon, Younes, je crois, il a rigolé ou quoi, il s'est un peu fâché, le gars, il n'a pas voulu discuter, il est parti. Mais en gros, comme quoi, voilà, c'est ce genre de choses. Après, quelle était vraiment lui, sa croyance dans cette chose-là qu'il a fait? Wallahu alam. C'était juste par sebeb ou c'est vraiment, il a une croyance encore spéciale. Ça aurait été intéressant de ça. Ça aurait été intéressant de savoir. Bonjour les odeurs dans la voiture, subhanallah. Khair, inshallah, bon. Ouais, il y a l'œil, il y a la main de Fatma, il y a... Al-Muhim. Donc le prophète sallam il a dit, Faqal inzi'aha fa innaha la taziluka illa wahna. sallam, il a dit, enlève-la. C'est pire que le khala. C'est vraiment comme là, genre l'arracher. Arrache-moi, enlève-moi ça, quoi, de manière brute. Elle ne te rajoutera que faiblesse. Il dit, inzi'ha bi kasr az-zay. Inzi'ha. Naz'a yanzi'u. واصل النزع الجذب بقوة والقلع من نزعة الشيء من موضع نزعا من باب ضرب ضرب يضرب نزع ينزع قلعته وانتزعته مثل أي انبذها عنك وهو اللفظ أحمد وهو أبلغ فإنه يتضمن النزع والزيادة وهو الطرح والإبعاد وهذا زجر له وإنكر عليه وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفعه بل تضره وأن هذا الداء الذي لبسها له لا يزول بل لا تزيده إلا وهنا أي ضعفا معاملة له بالنقيض قصده لأنه علق قلبه بما لينفع وليدفع عنه وكذا كل أمر نهي عنه فإنه لينفع غالبا وإن نفع بعد النفع فضرره أكبر من نفعي وابتلاء من الله تعالى وامتحان وهكذا شأن الأمور الشركية ضررها على أصحابها في الدنيا في الغالب والآخرة قطع وذلك من أجل التفات قلوبهم إلى غير الله تعالى ومن تعلق شيئا وكل إليه ومن وكل إلى غير الله تعالى هلك وإذا كان هذا في الأصغر الذي يجمع أصل التوحيد فكيف بالأكبر الذي ينافيه بالكلية Donc le professeur Salam, il a dit, enlève-la. Et là, il a utilisé النزع, inzi'ha. Ça, c'est vraiment le fait de l'enlever, de l'arracher, même de l'arracher, quoi, avec force. C'est le sens ici où inbidha ou inzi'ha al-qala'a. C'est vraiment le fait de le prendre et de le. Bon, là, il est en cuivre, alors je sais pas, tu peux pas dire de l'arracher. Mais si c'est par exemple quelque chose comme on va le voir dans le hadith de Hudhayfa, si c'est un pendentif ou une chaîne ou un truc comme ça, le fait de l'arracher, bequwa. Yani, ça montre vraiment que c'est. Prophète sallam, il l'a réprimandé durement. Donc c'est le fait de l'arracher et de le jeter au loin. Ça c'est le sens de nabd ou le qala' ou naza'. Et donc le prophète sallam il l'a réprimandé. Et il l'a informé que cette chose-là elle ne profite en rien et elle ne nuit en rien, c'est-à-dire comme sabab encore une fois. Et que cette maladie-là pour laquelle il a pris ce sabab-là, il a revêtu ce sabab-là, il a pris cet anneau-là, ne s'en ira pas par ce sabab-là, ne se soignera pas par ce sabab-là. Allah Jalla wa'ala, plutôt, pour avoir une expression exacte, ne soignera pas cette maladie-là par ce sabab-là. Mais il en rajoutera plutôt, cette maladie-là, elle va plutôt s'empirer. Et il sera encore plus faible qu'avant. Parce qu'Allah Jalla wa'ala, il va faire en sorte de le toucher par le contraire de ce qu'il a voulu. Il a voulu guérir par ce sabab-là. Allah Jalla wa'ala ne fera que lui augmenter peine et faiblesse. Et parce que lorsque le cœur, ou celui qui accroche son cœur à une chose qui ne profite pas et qui ne nuit pas, ça c'est le résultat, quand quelqu'un y fait ça. Et ça, c'est le résultat du fait de s'accrocher à n'importe quel sabab, comme on a dit, qui est interdit. Et qui est interdit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas mentionné dans la charia ou qu'il n'est pas expérimenté, comme on a dit. Ça devient un sabab interdit et le fait de s'y accrocher, en général, ça va provoquer quoi? Ça va provoquer du mal ou de la faiblesse. Et ça va provoquer l'inverse de ce qu'on a voulu chercher par ce sabab-là. Et même lorsque on emprunte, on prend un sabab qui est interdit, même s'il y a quelque chose dedans qu'on pense qui peut être du bien, le mal qu'il y a dedans, il est plus grand. Ou alors, il explique, il dit quelque chose d'autre, il dit que des fois, tu as un sabab qui est mauvais, qui n'est pas un sebep, et tu vas le prendre et tu vas trouver que, subhanallah, Allah Jalla wa Ala, il t'a, par cette chose-là, il t'a guéri. Ou il t'a donné ce que tu voulais. Et là, ça rentre dans bab l'imtihan. Ou l'ibtila ou l'imtihan. Allah, il te teste. C'est-à-dire, il teste ta croyance. Est-ce que vraiment, tu crois que ce sebep-là, à partir du moment où il n'est pas légiféré, il n'est pas expérimenté, il n'y a aucune preuve que c'est un sebep, toi, tu le fais, tu obtiens ce que tu voulais. Est-ce que vraiment tu as la croyance en ce sebeb-là ou tu sais qu'Allah Jalla wa Ala, il t'a donné cette chose-là sans, mais pas par ce sebeb-là, parce que ce n'est pas un sebeb légiféré. Donc ça rentre dans l'imtihan. Et dit, c'est la même chose concernant les choses qui sont de l'ordre du shirk, les shirkiyat. Il dit, il n'y a aucun doute que leur mal dans la dunya est plus important et il n'y a aucun doute concernant l'akhira. C'est-à-dire qu'en général, celui qui prend ce sebeb-là, il obtiendra l'inverse de ce qu'il voulait. Et dans l'akhira, il n'y a pas de discussion. Surtout, c'est celui du shirk akbar. Et ceci, c'est causé par quoi? Par le fait que les cœurs se détournent d'Allah Jalla wa Ala et que les cœurs s'accrochent à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et tous ceux dont le cœur s'accroche à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah y confie leur cœur, il confie ces gens-là à cette chose-là à laquelle ils se sont accrochés, à laquelle, dans laquelle ils ont cru. Donc tu veux t'accrocher à un sebeb, tu veux croire en un sebeb qui n'est pas un sebeb, et bien Allah Jalla wa Ala, il va te confier à ce sebeb-là. Et comme ce sebeb-là, il profite en rien du tout, il ne nuit en rien, eh ben, ça mène à quoi? À la destruction, comme il dit. Il est le halak. Et si ceci, ça concerne le shirk el-asrar, le petit shirk, qu'en est-il concernant el-akbar, qui annule le tawhid à sa base? Et ensuite, il dit, فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا فْلَحْتَ أَبَدًا. Et si tu meurs alors qu'elle est sur toi, en la portant, tu ne réussiras jamais. Il dit, نَفَعَنَهُ الْفَلَاحُ لَوْ مَتَ وَهِيَ عَلَيْكَ لِأَنَّهُ شِرْكُ وَالْحَالَةُ هَذِي وَالْفَلَاحُ مِنْ أَجْمَعِ الْكَلِمَةِ الَّتِي نَطَقَتْ بِهَا الْعَرَبُ وَالْفَوْزُ وَالظَّفَرُ وَالسَّعَادَةُ وَفِي رِوَايَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وكلت إليها. قال المصنف فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة وشاهد من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأنه دليل على المنع من لبس الحلقة والخيط ونحو ما لذلك وفيه إنكار المنكرات الشركية حتى إن من العلماء من جعلها ركنا سادسا من أركان الإسلام. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a rejeté la réussite de celui où il a nié la réussite de celui qui meurt en portant ce type de choses avec cette croyance-là, évidemment. Ici, le falah, ce qui est visé, ce n'est pas le falah al-mutlaq, mais c'est mutlaq al-falah. Ou plutôt l'inverse. C'est pas mutlaq al-falah, c'est le falah al-mutlaq. C'est-à-dire, ce qui est, à partir du moment où c'est du shirk, que du shirk asghar, cette personne-là, si elle meurt là-dessus, elle a la base de la réussite, de le falah. Puisqu'elle meurt mouahid, et que sa fin sera au paradis. Contrairement au shirk al-akbar. Donc, ce qui est rejeté ici, ce que le prophète sallam il a nié, c'est le falah al-mutlaq. Pourquoi? Parce que c'est du shirk. Il dit que le falah, la réussite, c'est parmi les mots les plus, ce qui englobe le plus de sens, yani, et par lesquels les Arabes ont parlé. Et c'est la réussite, c'est la joie, évidemment, et le secours, yawm al-qiyamah. Et dans une riwaya, wukilta ilayha, c'est-à-dire celui qui accroche son cœur par la croyance à une chose qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas désigné comme étant un sabab, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le confier à cette chose-là, comme on a dit, et étant donné qu'il ne profite en rien, ne nuit en rien, il ne conduira qu'à la destruction. Al-Musannifidi, et on trouve là-dedans la preuve concernant la parole des compagnons, radiallahu anhum, que le petit shirk est le plus grand des grands péchés. Ça, c'était clair chez les compagnons. Et qu'il n'est pas excusé par l'ignorance. Donc là, on voit que le shirk al-asghar, il n'est pas excusé par l'ignorance. Que dire de l'akbar? En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réprimandé Imran ibn Hussein, si le hadith est sahih, pour ce shirk, pour ce petit shirk. Or, il n'y a pas, et sans savoir est-ce qu'il sait, est-ce qu'il ne sait pas, le zahir al-hadith, ce qu'Imran ibn Hussein, parmi les compagnons, il ne sait pas que ça rentre dans le shirk al-asghar. Il ne sait pas que c'est une sorte de shirk. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a réprimandé. Il ne l'a pas excusé parce qu'il était ignorant. Que dire du shirk akbar? Que dire de donner l'adoration à un autre qu'Allah jalla wa ala, ou que dire d'obéir à une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Et donc, on a un dalil dans ce hadith-là, même si encore une fois, c'est un hadith qui est, certains ulama voient qu'il est daïf. Dalil qu'il est interdit de porter des bracelets ou des pendentifs, des talismans et d'autres dans ce but-là. Dans le but de repousser un mal ou d'attirer ou de se procurer un bien. Et on voit aussi le fait d'interdire le mal, surtout qui est lié au shirk. Jusqu'à que parmi les gens de ilm, ils ont mis l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar comme un sixième pilier de l'islam. Mais ça, Allahu alam, ça c'est discutable. Le prophète sallam il dit, bunya l'islam ala khams, l'islam il a été conçu sur cinq, il a été bâti sur cinq piliers, pas sur six. Même si l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est quelque chose d'important comme on l'a vu dans ce qu'on a déjà vu dans le wasitiya. Wa sahahahu ibn Hibban. والحاكم وقره الذهبي ورواه أيضا بنحوه عن أبي عمرو الخراز عن الحسن ابن حبان الحاكم l'authentifié et l'imam al-Zahabi il a approuvé cette authentification et ça a été rapporté aussi d'Abi Amr al-Kharraz de al-Hassan yani al-Hassan yani al-Basri. Je pense. À la kulli hal, il y a parmi les ulama des gens qui voient que le hadith il est daif et qu'on ne peut pas l'utiliser comme preuve. Mais on va voir, inshallah, la prochaine fois, qu'il y a le hadith qui vient après, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est rapporté aussi par l'imam Ahmed et c'est un hadith qui est fort, qui est bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en plus qui est encore plus tranchant. Il dit, Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui s'attache à un tamim, à un talisman, qu'il l'attache autour du cou, autour du bras ou autre, mais qui a le sens, qui attache son cœur aussi par la croyance, dit faqad ashrak. Il l'a associé. Donc là, c'est encore plus qat'i, c'est encore plus tranchant. Et ce hadith-là, il est authentique celui-là. Il n'y a pas de discussion. Donc, limite, on n'a pas besoin du hadith rapporté par Imran ibn Hussein, dans la mesure où, si on discute avec Al-Mukhalif de ce sujet-là, il va nous dire, oh, tu utilises un hadith, il est daïf, il y a des ulémas, ils ont dit, il est daïf, tu ne peux pas l'utiliser, l'akhiri. Donc là, tu vas prendre le hadith qui vient ensuite. Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui se revêtit d'un talisman, qui porte un talisman, il a associé. Khlas, hadith, il est bon, fort, qawi. Si on a encore 3 minutes là, juste pour lire, on va lire le passage sur. Ou sinon, on lira la prochaine fois. Bon, c'est un petit tarjama de l'imam Ahmed. Ça sort du sujet du chapitre. Juste, qui c'était l'imam Ahmed qui ramène le hadith. Donc, on va arrêter là, inshallah, parce que vous m'avez dit moins 10, il est moins 10. Donc, wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.